Tenaweb, un caso serio nella radiofonia. Mon cœur n'est pas fait pour cela. Oh, retiens-moi. je t'en prie, retiens-moi. J'ai si peur de tomber. Tomber amour au fond du vent. Je m'en si tu te refuses à moi. Je veux pas prendre ce risque-là. Retiens-moi. Other MC you know from my crew heat you with the crazy menu would please you with the fat beats, cute hair with lotion. I got no magic potion, just emotion. Music I create, that's a patient. Make a lot of dough and smile, that's my mission. Delicious, specialist, not the Van Down. You wanna play the Van Down? Niggas wanna ambush me, cause bush I bush too much. That's why I stay in the bush. Check out the sound I hit like Bamboo. Check out the beats that change the head. The original, six crocodile. The original, sexy and wild. You better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. I'll make you scream, papa. The fat shit, the bad team you need. Baby, don't be worried, how about the way we proceed? Maybe young in the factory, but I study. For the 98, spend the money with me. All the niggas from the West Indies. For the sixes in the club, move on. MCs from West Indies, deja vu in your cities. Famous like the Fugees, baby, baby, please. Number one on the menu, K-Sha, hit your script you. One more time, like your sister, you shine. Who make you dance? Make you dance. Better bounce, baby. Yeah, yeah. I'll make you dance, baby. is the bomb, yeah. I know you wanna know who the best I die. No contest, Indies West to Cuba. Smoke cigarillos, even day festival. Hot like fuego, the music I've been playing on. Sons of millions, black from Haiti to Paris. We got the mad band's diary. You don't know who I be, Stampede. Want something, my technique, come from. Yo, I'm not a bad seed from a bad sex. That's why I rock Rolex on the arm deck. You don't like it, get Timex. I got the next millennium, ready for my text. Feel bad about it, get it perfect, incredible. Crazy with style, the irrational. Too many guys, crazy lovable. Though I don't push your legs, I push your bike. But baby's like a sex, yeah. Bounce, baby, yeah, yeah. Make it dance, baby. See me on the MIC, I'm a G, a Yardie. A real fucking nigga come from the West Indies. That's why I chill. I'm here, but I still a strong chocolate nigga who have sex appeal. Keep it real, y'all. Y'all, D-I-E, word of D-I-D. Don't get on my number, play a fool with funny G. Baba, I'm here to see your mama. paraît que ça tique les yeux, mais à danser ça, c'est ça. Priez non moins encore pour ça. Fuir. Ne plus t'épauler, ne plus espérer, c'est un sans frais. Get to me not be familiar. I move to me not be familiar. Je te veux trop. Oh, ce soir, j'ai le blues de nos doigts, on s'est quitté. C'est bien mieux comme ça. Mais de quoi as-tu peur parce qu'on ne s'aime pas? Comme avant, passe me voir. Oui, passe me voir. Je crois bien que ce soir, moi j'ai le blues de toi, on s'est quitté. C'est vrai, et c'est bien mieux comme ça. Sur un coup de cœur, on a cru s'aimer. la brûlure de mon regard fiévreux glisser lentement sur ton corps. Tu crois me cacher tes désirs, tous tes trésors. À vouloir m'échapper, tu risques de miner tes efforts. Besoin de m'enflammer, mes désirs apaisés. Je ne rêve que de te posséder. Oh, God. what you want with me. Then do what you want, boy, baby. Bring it down, ring. Just touch you with the kiss, I keep your body. Bring it, boy, baby. Bring it down, ring. When you listen, what you want with me. Then do what you want, boy, baby. Bring it down, ring. Je flotte, mise en moi, mais t'es toujours là. suis tombé à ton charme. Mais quand je te revois, c'est tout mon corps construit des armes. Et plus jamais, sur la place, on ne peut pas. Quand comprendras-tu que ton absence me tue? De tes faits et je suis toujours à la vue. Où tu sais trop bien à quel point je suis. Et si je te demande, c'est la signe que tu veux reverras plus. Tempête, les filles vagues, mer déchaînée. Bras de moi chaviré, tout espoir envolé. Quoi? Vous ouquez, moins apparaît. Vous bougez. Oh, la nuit quand la journée, moi qu'à chercher pour elle. Chercher pour moi connaître ça qui fait moi vivre là. Ça qu'a fait trop longtemps, moi là, moi à genoux. Derrière le même mauvais, et moi en vie crier. Où tu m'as qu'à souffrir si la terre, tout ça pas changé. T'es que besoin, tu vois l'amour, enfant à chambre. Et puis tout ça m'a qu'est la vie, pas sans appeler. Fais pas vivre, c'est ça, caca. T'es ou pas tout droit, tous les souhaits. Qui t'aime, madame, en bas là. Même s'ils savent ça, t'as failli la peine. Y'a des souffrances, moi elles ont souffert, c'est porté. Et moi toujours été. Mais j'en dis, moi ni assez. Moi qu'à aller, pépé, qu'est ni viné. C'est Antimissant, mais n'est pas mwen Nou rete Gade kon nou an nou tanzye Nou pati sav sa pou di ni sa pou fè Vine toupe pou pale Mwen pa pale pale di l'amou pou nou pa regrete Vine toupe pou koze Thank you. chambé, qu'a délaissé, des poussales qui qu'a touché, qu'a brûlé, pas de poule. Le ciel. délicieuse. La cage ou boutique, ou en grand liberté. L'olivier est monté là, divisant toujours là. Il est toujours là, est-ce qu'on dirait tout ça? Qui est dit, c'est pour l'esprit père ouvert, dans nous un monde sans frontières. Qui est dit, I'm gonna make you mine.

Bon Dieu, ne peut pas laisser faire. Petit, mais ça ouvre. L'amour bagarre dans des mains. blessé ya. En bas de péré ya, l'ouage mensonge là. Si nous fait qu'à côté de chez nous, par la pluie en harmonie, ça te que chez nous plus chaud. I'm so glad.